Oh, c'est vrai. C'est vrai. Les Russes. Ah ben, me voilà joli, moi. Si encore il y avait moyen de s'en aller. Mais, pas du tout. Nous sommes sur une hauteur. Nous serons en but à tous les coups. Les Russes. L'ennemi. Allons, messieurs, prenons nos dispositions pour la bataille. Nous allons rester sur la colline et ne commettrons point la sottise de descendre en bas. Je me tiendrai au milieu comme une citadelle vivante et vous autres graviterez autour de moi. J'ai à vous recommander de mettre dans les fusils autant de balles qu'ils en pourront tenir, car 8 balles peuvent tuer 8 Russes et c'est autant que je n'aurai pas sur le dos. Nous mettrons les fantassins à pied au bas de la colline pour recevoir les Russes et les tuer un peu, les cavaliers derrière pour se jeter dans la confusion et l'artillerie autour du moulin avant ici présent pour tirer dans le temps. Quant à nous, nous nous tiendrons dans le moulin avant et tirerons avec le pistolet à finance par la fenêtre. En travers de la porte, nous placerons le bâton à physique, et si quelqu'un essaie d'entrer, gare au croc à merde. Vos ordres, Sir Ubu, seront exécutés. ça va bien. Nous serons vainqueurs. Quelle heure est-il ? 11 heures du matin. Alors nous allons dîner, car les Russes n'attaqueront pas avant midi. Dites aux soldats, seigneur général, de faire leurs besoins et d'entonner la chanson à finance. Laski s'en va. Vive le père Ubu, notre grand financier. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Ting, ting, ta-ting. Oh, les braves gens, je les adore. Un boulet russe arrive et casse l'aile du moulin. J'ai peur, Sire Dieu, je suis mort. Cependant, non, je n'ai rien.